muni de nos signes et d'une autorité évidente, إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ À Pharaon et son assemblée de notables. Mais ils suivirent les ordres de Pharaon, lesquels ordres n'avaient rien de raisonnable. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Il devancera son peuple au jour de la résurrection et les conduira au feu, horrible égad que l'égad du feu. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Ils seront suivis par une malédiction en ce bas monde et au jour de la résurrection. Horrible don qu'il leur sera donné. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Telles sont les histoires qu'en partie nous te comptons des cités dont certaines sont encore érigées et d'autres abattues à ras de terre. Nous ne les avons point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucun soutien lorsque fut arrivé le décret de ton Seigneur. Mais elles ne firent qu'ajouter à leur perdition. C'est ainsi que ton Seigneur s'empare des cités quand elles sont injustes. Il s'en empare alors par un châtiment douloureux et dur. Il y a là un signe pour quiconque craint le supplice de l'au-delà. Ce sera un jour où tous les hommes seront réunis, et ce sera un jour où tous seront présents. Nous ne le différons que pour un délai déterminé. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Le jour où ce terme arrivera, nulle âme ne parlera sans sa permission. Les uns parmi eux seront misérables et les autres heureux. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Quant aux misérables d'entre eux, ils seront dans le feu où ils auront soupirs et sanglots. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Là, ils séjourneront pour l'éternité, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement. Car ton Seigneur fait certes ce qu'il veut.